Les années passées se ressemblent, jamais les rêves ne s'exaucent. Je suis poivre et sel, on sortira pas ensemble de cette fosse. On vieillit comme les murs, petit à petit mes tacs disparaissent. Le temps souffle sur ma flamme, je m'abandonne et découvre la paresse. Je me fais mal pour attraper mon stylo et écrire. Je vais te vivre des trucs extraordinaires, il se passe rien. Mais que Dieu nous préserve du pire. J'ai plus l'impasse, la trentaine qui se pointe pour me planter. Je trouve toujours pas ma place. J'ai plus que le rap pour briller, comprends. J'ai forcément peur, je me dis ça va marcher. Puis je me traite de menteur, chaque jour je fais l'effort. À force j'ai plus rien dans le bide. Traumatisé par ces jeunes chez moi qui ont plongé dans le vide. Alors je vais texte à mer, en texte à mer. C'est peu de modèles de réussite aussi, je me perds. Tout est bancal, ma vie, mon rap, mes histoires d'amour. Les gladiateurs aveugles au pied de la tour. Mes routes sont boueuses, les chemins sont sinueux. D'être juste un homme qui fait ce qu'il peut. À la base, n'a rien de palpitant. Envisager sa vie en léthargie en bas des bâtiments. Ou bien serrer les dents, la barre et les poings. Amasser les gains plutôt que de ramasser des pains. Chanceux, celui qui s'en sortira sans séquelles. Accroupi devant son boss comme un esclave sans ses chaînes. On se saigne, pourquoi? Gagner un salaire de merde à la fin du mois. Pour éviter ces voix qui enfreignent les lois. En haut lieu, on nous dit inculte et instable. Paraissant puissance au pédigré détestable. Écoute un peu ces porcs à l'assemblée. Les trois quarts corrompus sans s'écroupir à la santé. La solidarité crève et les cœurs sonnent creux. À ceux qui font bouger les choses en vain vu qu'on en parle peu. En espérant ne pas finir comme ceux qui partent. Désespoir de cause craque, je suis à l'effet que avoir je peux. Avoir la copie en moins grand, t'apprends l'humilité. Pas de parcours sans faute, de texte sans rature. Dur de se réaliser sur des routes accidentées. Les hommes font ce qu'ils peuvent et tout le reste n'est que littérature. À les écouter, on manque de volonté. Pas de parcours sans faute, de texte sans rature. Dur de se réaliser sur des routes accidentées. Les hommes font ce qu'ils peuvent et tout le reste n'est que littérature. Les crises que je vois, décrit ma réalité. Toutes ces années passées, aucune moralité. Les jours se ressemblent, je marche tout nu dans ma vie. Je me saoule à l'autre source, je ne kiffe pas l'autre vie. Je me suis jeté dans le rap, c'est ma culture papy. Cette sale vie est une chienne, je connais rien d'happy. Mes sauces m'appellent, me demandent, c'est pour quand l'album? Je vous tiendrai au courant, j'attends que ça décolle. En ce moment tout va mal, je ne sais plus quoi faire. Quelle direction faut prendre, le paradis ou l'enfer? Les rires ou les pleurs, je rêve d'un meilleur lendemain. Pour ma famille, mes amis, me lâchez pas la main. J'ai récemment compris que le terrain est miné. Ça sera dur de partir malgré un don inné. La merde attire la merde et ma couleur les flics. Les raisons de nos problèmes ne sont que politiques. Demandez-moi de l'expérience lorsque je gratte un emploi. Comment veux-tu en acquérir? J'ai pas d'aile qui se déploie, j'ai juré de m'en sortir. Même si je suis sans plan, offrir une vie de rêve à ma femme, mes enfants. Pour le moment je rame, mais je sais ce que je veux. Et chaud d'être juste un homme qui fait ce qu'il peut. Écoute les parler de leur réussite, écoute les jouir. Ce monde est plein d'un et en deux leçons. Moi je reste de ceux qu'on incrimine. Pareil à vermine, sont les noms qui me définissent le mieux. Tandis que les lions rugissent toujours plus fort, mon dieu. Les carnassiers, les grands fauves du MEDEF me montent du doigt, je suis trop cher, pas assez flexible. J'ai trop de droits et pourtant la machine me broie. Perdu dépassé, tant de gens vacillent. Moi j'adore rien de ces reptiles, je pense aux pères de famille. Solidaire, mais c'est plus au goût du jour. Y'aura jamais de grand soir et la misère suit son cours. Regarde tes pompes, nous dit-on, le reste déplacé. Tous ces hommes qui font ce qu'ils peuvent, mais sûrement pas. Sur ma vie, je suis dedans, je peux pas dire que je fais semblant. Mon kiff, c'est l'ancien rap, celui en noir et blanc. Je kick ma vie, je suis à poil, je transpire dans la cabine. Je mets tout ça sur une feuille plutôt qu'un coup de carabine. Mais que ça m'aide ou pas, je pense que c'est pas le problème. Dans cette vie, je fais ce que je peux, c'est ça le thème. C'est pas qu'un simple texte, c'est une partie de ma vie. J'ai rien à cacher, j'écris, que ça soit le soleil ou la pluie. Graver tous ces souvenirs, pouvoir les écouter. Réaliser mon album, ne pas être dégoûté. Mon premier morceau, mon kiff. Ma première mixtape, ma face B sur le maxi. Aujourd'hui c'est la street tech. J'écris avec passion, pour moi c'est plus un jeu. Je veux mon album solo, et pour ça je fais ce que je peux.